إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الحمد لله، اللونج تاع الله. On se retrouve aujourd'hui pour continuer la série des cours sur l'explication de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'explication de Juz Amma. Et nous en sommes arrivés par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala à Sourate Al-Layl. Sourate Al-Layl, la nuit. Donc Allah subhanahu wa ta'ala jure dans cette sourate par le temps, dans lequel arrivent les actes des serviteurs sur des situations différentes, comme on va le voir. Allah subhanahu wa ta'ala, il jure par qui il veut parmi ses créatures. Tandis que la créature, il ne lui est pas autorisé de jurer par autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comme on a pu le voir auparavant. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le premier verset, dans la traduction approximative, par la nuit quand elle enveloppe tout. C'est-à-dire lorsqu'elle recouvre la terre. Elle enveloppe toutes les créatures par son obscurité. Où il a été dit par la nuit quand elle enveloppe le jour, par son obscurité. La lumière du jour disparaît. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Sourate Yassine, verset 37. Et une preuve pour eux la nuit, nous en écorchons le jour et ils sont alors dans les ténèbres. Et comme on a pu le dire à plusieurs reprises, ceci est parmi les grands signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'alternance du jour et de la nuit. Et c'est parmi les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ses serviteurs. Car Allah subhanahu wa ta'ala, comme on l'a vu, a fait de la nuit un vêtement pour que les serviteurs se tranquillisent et se reposent de la fatigue et de l'effort accumulé dans la journée. Allah subhanahu wa ta'ala jure ensuite par l'opposé de la nuit. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّ, par le jour quand il éclaire. C'est-à-dire quand le jour apparaît et devient manifeste. Et cela par la montée de l'aube, qui est la lumière, comme on l'a vu dans Sourate Al-Fajr. Hein, le début de la montée du soleil. Car le soleil est un signe du jour, comme la lune est un signe de la nuit. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il jure par le jour quand il éclaire, par sa lumière. Il éclaire les créatures afin qu'ils se déploient à leurs intérêts et à leurs occupations. Car Allah subhanahu wa ta'ala a assigné le jour pour les affaires de la vie. Comme on l'avait vu dans Sourate An-Naba, la nouvelle. L'alternance de la nuit et du jour, comme on l'a vu, est un des plus grands signes d'Allah subhanahu wa ta'ala qui prouve quoi ? Qui prouve l'immensité de celui qui l'a créé, Allah subhanahu wa ta'ala. Ces signes prouvent la capacité parfaite d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa miséricorde envers ses serviteurs. C'est lui qui mérite seul l'adoration et personne ne la mérite en vérité si ce n'est Allah. Et tout ce qui est adoré en dehors de lui est nul et faux. Tout cela, ces signes prouvent l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans toutes ses formes. Unicité de la seigneurie, l'unicité de l'adoration et des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala les plus parfaits. Ça demande de méditer. Allah subhanahu wa ta'ala ensuite, il jure par et par ce qu'il a créé, mâle et femelle. وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى. Ici, il y a deux sens dans ce verset, comme on a vu dans Sourate Al-Shams auparavant. Soit le sens est qu'Allah subhanahu wa ta'ala jure par la création du mâle et de la femelle, donc, et par ce qu'il a créé, mâle et femelle. ou soit le sens est qu'Allah subhanahu wa ta'ala jure par lui-même. C'est-à-dire celui qui a créé le mâle et la femelle. Donc par ceux qu'il a créé mâle et femelle, c'est-à-dire tous les mâles et femelles. Ici c'est général. C'est-à-dire toutes les créatures, toute l'espèce, mâle ou femelle. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Sourate qui éparpille, verset 49, « Et de toutes choses nous avons créé deux éléments de couple. » Peut-être vous rappellerez-vous. Donc mâle et femelle parmi les enfants d'Adam et parmi les animaux. Et même les végétations, les plantes, les arbres, tout. Hein, tout se compose de mâle et femelle. Dans le but que perdure l'espèce et la descendance. Et qu'elle ne disparaît pas. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a fait par sa sagesse parfaite que chaque mâle et femelle se correspondent, se conviennent l'un envers l'autre. Et qu'il y ait un désir entre les deux. Ceci fait partie de la sagesse parfaite d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa miséricorde envers ses serviteurs. Gloire à Allah subhanahu wa ta'ala, le meilleur des créateurs. Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir juré par ses signes, il montre ce pourquoi il a juré. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il jure par ces choses. Par la nuit quand elle enveloppe tout. Par le jour quand il éclaire. Et par ce qu'il a créé, mâle et femelle. Mais pourquoi? Il dit Allah subhanahu wa ta'ala ensuite, « Inna sa'yakum la shatta. » Vos efforts sont divergents, sont différents. C'est-à-dire vos efforts, ô vous les gens, et vos œuvres sont différentes, sont opposées dans ce bas monde. Parmi vous le croyant et parmi vous le mécréant. Parmi vous l'obéissant et parmi vous le désobéissant. Il y a parmi vous le pieux et parmi vous le pervers. Et parmi vous celui qui mélange entre les deux. Et tout cela par la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah guide qui il veut vers le droit chemin et il égare qui il veut. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a juré par des opposés, comme on a dit, la nuit et le jour, le mâle et la femelle, sur des choses différentes, opposées, c'est-à-dire les efforts, les œuvres des serviteurs sont différents, opposés. Donc ce par quoi Allah subhanahu wa ta'ala a juré et ce pourquoi il a juré, ils sont proportionnels, ils s'approprient. Et ceci fait partie de l'éloquence du Coran, ce qu'on appelle al-balagh. Ça fait partie de l'éloquence du Coran. Donc le sens ici, pour bien comprendre, c'est certes la différence dans la nuit et le jour, et du mâle et de la femelle, est une chose claire, manifeste, qui n'est pas cachée. Ainsi sont les œuvres des serviteurs. Ils sont différents, divergents. Et ceci fait partie des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala par la suite, il explique et classifie ses efforts divergents, différents, et ceux qui les font. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ensuite, celui qui donne et craint. Allah subhanahu wa ta'ala a commencé par l'effort du bien. Pourquoi? Pour encourager. Il commence par ce qui est demandé. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui donne, amma man a'ta. C'est-à-dire celui qui donne ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné de donner parmi les adorations financières. Comme les zakats. Comme les expiations, les dépenses obligatoires pour sa famille. Les aumônes. Les dépenses dans les voies du bien. Et aussi celui qui donne ce qu'Allah lui a ordonné parmi les adorations du corps, corporelles, celles qui sont liées au corps, comme la prière, le jeûne ou autre. Et également les adorations qui englobent les deux formes. Non seulement elles sont financières et corporelles, comme le pèlerinage et la umra. Ça demande de faire un effort, de donner de l'argent et un effort avec les membres du corps. Donc celui qui donne et craint, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit et craint, wattaqa. Craint, c'est-à-dire qu'il craint Allah subhanahu wa ta'ala en mettant entre lui et le châtiment d'Allah une protection. Et cela en obéissant aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et en s'éloignant de ses interdits. Celui qui fait les obéissances à Allah subhanahu wa ta'ala avec une lumière venant d'Allah, c'est-à-dire avec la science, en espérant la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui délaisse les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala avec une lumière venant d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire une science, et qui a peur de son châtiment. Ça, c'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى et déclare véridique la plus belle récompense. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire qu'il déclare véridique la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, la parole de son messager. Car la meilleure des paroles et la plus véridique est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il déclare véridique la parole d'unicité. La ilaha illallah. Il n'y a de divinité en vérité digne d'adoration si ce n'est Allah. Et ce qu'elle implique. Il déclare véridique l'ensemble des croyances religieuses, ainsi que la rétribution de l'au-delà, l'yom al-qiyama, tout ce avec quoi est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il déclare véridique. Et Allah subhanahu wa ta'ala montre ensuite la fin et la finalité et la rétribution de celui qui donne et craint et déclare véridique la plus belle récompense. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, fasanu yassiruhu lil yusra. Nous lui faciliterons la voie au plus grand bonheur. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, certes, va lui faciliter la voie au plus grand bonheur dans toutes ses affaires, dans ce bas monde et dans l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala fera en sorte que le bien lui soit facilité. Et le fait qu'il délaisse tout mal, car cette personne a fait les causes. Il a fait les causes et l'effort pour cette facilité. Pour être guidé. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala lui facilite cela. Plus la personne craint Allah subhanahu wa ta'ala, plus ses affaires lui seront facilitées. Comme il a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Sourate, le divorce, verset 4, quiconque craint Allah, cependant, il lui facilite les choses. Donc ici, c'est la condition. Quiconque craint Allah, la récompense c'est quoi? Allah subhanahu wa ta'ala lui facilite les choses. Et plus la personne est loin d'Allah, plus ses affaires lui seront rendues difficiles. Comme il est venu dans le hadith de Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, qu'Allah l'agré, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « À chacun d'entre vous est réservée une place en enfer ou une au paradis. » Les compagnons ont dit, « Ô envoyé d'Allah, devons-nous alors compter sur ce qui nous a été écrit dans nos registres ?» Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lut la parole d'Allah. Celui qui donne et craint et déclare véridique la plus belle récompense, nous lui faciliterons la voie au plus grand bonheur. Et quant à celui qui est avare et se dispense et traite de mensonge la plus belle récompense, nous lui faciliterons la voie à la plus grande difficulté. Puis il dit, œuvrez, car toute chose a été rendue facile selon le but pour lequel elle a été créée. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala ensuite, il va désigner là le deuxième groupe. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, wa amma man bakhila wastaghna wa kadhaba bil husna fa sanuyassiruhu lil usra. Quant à celui qui est avare, se dispense. Avare, na'am, dans tout ce qu'Allah lui a ordonné. En délaissant les dépenses obligatoires et recommandées. En interdisant à sa personne d'accomplir ce qu'Allah lui a ordonné. Il se dispense, c'est-à-dire qu'il se passe d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il met de côté l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala en la délaissant. Il considère que sa personne n'a pas besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah nous en préserve. Il n'a pas besoin de la récompense, car il prétend, c'est une prétention, un mensonge, il prétend que la fortune qu'il possède lui suffit pour se passer d'Allah. Allah nous en préserve. Et en plus de cela, il ne craint pas Allah subhanahu wa ta'ala, mais plutôt voit qu'il se passe de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadhaba bil husna. Et traite de mensonge la plus belle récompense. C'est le contraire de celui qui déclare véridique la plus belle récompense. lui, il a traité de mensonge. Subhanallah. La parole d'Allah, la parole de son messager, la religion dans... Hein, la ilaha illallah. Il a traité de mensonge la résurrection, yawm al-qiyamah. Toutes les croyances religieuses. Lui, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ensuite, nous lui faciliterons la voie à la plus grande difficulté. C'est-à-dire, Allah lui rendra les choses difficiles dans toutes ses affaires. Hein, que le mal lui sera facilité où qu'il soit. Allah subhanahu wa ta'ala lui facilitera les portes qui le mènent à toutes les caractéristiques mauvaises. Et ceci fait partie de la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car celui qui veut l'égarement, Allah lui rajoutera de l'égarement. Allah n'est pas injuste envers la personne, hein, ou envers eux, mais ils sont injustes envers eux-mêmes. Comme on a vu à plusieurs reprises. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a montré les deux voies, la voie du bien et du mal. Il t'a léché un soi, une capacité, un choix. À toi de choisir celle que tu veux. La rétribution sera selon la nature de l'action. Si tu es parmi ceux qui donnent et craignent et déclarent véridique la plus belle récompense, Allah subhanahu wa ta'ala lui facilitera, te facilitera la voie au plus grand bonheur. Mais si tu choisis d'être parmi celui qui est avare et qui se dispense et qui traite de mensonge la plus belle récompense, à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala te facilitera la voie à la plus grande difficulté. Et comme on a cité le hadith. Et chaque place au paradis et en enfer, elle est écrite. Ta place en enfer, elle est écrite, et ta place en paradis, elle est écrite. Comme il est venu dans le hadith de Abdullah ibn Mas'ud. Hein, tout est écrit. Tu seras parmi les heureux ou les bienheureux. Mais après, à toi de faire les causes. À toi de vrai. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ensuite, وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى. Et à rien ne lui serviront ses richesses quand il sera jeté. Il sera jeté au feu. Ces richesses qui l'ont amené à outrepasser les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala et à se passer d'Allah. Ces richesses qui l'ont amené à être avare, à se dispenser, à traiter de mensonge la plus belle récompense. Elles lui serviront à rien lorsqu'il va mourir. Car rien ne pourra le sauver excepté ses œuvres pieuses. Excepté si il donne et craint et déclare véridique la plus belle récompense. Quant à ses biens qu'il n'a pas donné dans ce qu'il est obligatoire, ses biens seront un malheur pour lui. Ses biens se retourneront contre lui. Car il n'a rien devancé pour son au-delà. Non. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala montre que certes, la guidée n'est pas entre les mains de l'homme, mais elle est seulement entre les mains d'Allah azza wa jal. Il guide qui il veut et il égare qui il veut. Allah subhanahu wa ta'ala dit, inna alayna lalhuda, certes à nous, ou c'est à nous certes de guider. Et ici, il y a deux types de guidés, comme disent les savants. La première est celle qui est spécifique à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qu'on appelle hidayatut tawfiq, la guidée de la réussite. Celle-là, elle appartient à Allah subhanahu wa ta'ala seulement. Allah guide qui il veut et il égare qui il veut. Elle appartient seule à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est celle qui est mentionnée dans le verset de Surat le récit 56. Allah subhanahu wa ta'ala dit, tu ne guides pas, ô Muhammad, c'est-à-dire, tu ne guides pas celui que tu aimes, mais c'est Allah qui guide qui il veut. Il connaît mieux cependant les bien guidés. Ça, c'est la première des guidées. Elle est spécifique à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui guide les cœurs. La deuxième, c'est ce qu'on appelle hidayatul irshad. La guidée d'orientation. C'est-à-dire dans le fait de montrer le droit chemin. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a montré le droit chemin. Il t'a montré la guidée. Et celle-là, elle appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, mais aussi aux créatures, comme les messagers. Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé des messagers et des prophètes pour montrer la voie. Hein, et les gens de science, parmi les savants, les étudiants en science, etc. Allah subhanahu wa ta'ala a guidé les créatures. Il leur a montré le droit chemin afin que les gens n'aient pas d'argument devant Allah. Comme il a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans sourate les femmes verset 165, en tant que messager, annonciateur et avertisseur, afin qu'après la venue des messagers, il n'y eut pour les gens point d'argument devant Allah. Donc Allah et son messager ont montré toute chose dans ce qui incombe aux gens, que ce soit dans la croyance, dans l'adoration, dans les comportements, les transactions, tout. Ils ont montré tout ce qui incombe aux gens de délaisser comme interdiction. Donc la guidée est dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais le serviteur fait les causes pour être guidé en s'efforçant dans les bonnes œuvres et dans le bien. Soit l'homme va œuvrer dans le bien ou dans le mal, comme on l'a cité. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى » À nous appartient certes la vie dernière et la vie présente. Cette vie d'ici-bas et l'au-delà, et ce qui s'y trouve appartient seul à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui le maître de l'autorité absolue, celui qui détient ce monde et l'au-delà. Il n'a pas d'associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme certes, il possède la guidée, ainsi il possède certes la vie dernière et la vie présente. Donc ceux qui recherchent et désirent la vie dernière et la vie présente, qu'ils la demandent à Allah subhanahu wa ta'ala seul. Et qu'ils s'abstiennent d'espérer des créatures en adorant en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. En demandant à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Car c'est lui, certes, à qui appartient toute la royauté. Tous les cieux et la terre et ce qui s'y trouve appartient à Allah subhanahu wa ta'ala seul, comme on l'avait cité aussi dans les autres versets. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala donc avant cela, c'est-à-dire que quand Allah subhanahu wa ta'ala dit à nous appartient certes la vie dernière et la vie présente, comme on l'a dit, la royauté elle appartient seule à Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'ici dans cette dunya, il y a des rois, hein, des présidents, des gouverneurs, ceux qui ont un royaume de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné. Mais dans l'au-delà, il n'y aura plus ça. Comme on l'avait cité, si la royauté d'Allah subhanahu wa ta'ala sera apparente, elle ne sera pas cachée. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala il dira « Où sont les orgueilleux? Où sont les tyrans ?» Maintenant, Naam. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala il dit فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى. Je vous ai donc averti d'un feu qui flambe. Je vous ai donc averti, c'est-à-dire mis en garde et vous a effrayé d'un feu qui flambe, c'est-à-dire le feu de l'au-delà, hein, qui s'enflamme et flamboie constamment, éternellement, contrairement au feu de ce bas monde, qui celui-là finit par se calmer et s'éteindre. Mais le feu de l'au-delà, ce feu qui flambe est immense, il est éternel, c'est le feu attisé d'Allah, comme Allah subhanahu wa ta'ala le décrit dans le Coran. Où ne brûlera que le damné, la yaslaha illa al-ashqa, c'est-à-dire personne ne brûlera d'un feu qui le cernera de tous les côtés, excepté le plus malheureux. Excepté celui qui est destiné à être malheureux. Celui qui a, comme on avait cité, hein, celui qui a traité de mensonge, celui qui a été avare, qui s'est dispensé de l'adoration d'Allah, etc. Soit le malheur, ici, il sera absolu, éternel, comme le mécréant ou l'associateur. Lui, il rentrera en enfer éternellement. Son malheur, il est éternel. Ou soit, ça sera un malheur qui est déterminé, fixé pour les croyants, les désobéissants, ceux qui ont désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala parmi les croyants, parmi les musulmans. Eux, ils goûteront en enfer, si Allah le veut. Hein, et resteront ce qu'Allah aura décidé. Mais par sa sagesse, hein, par sa justice. Mais ensuite, alhamdulillah, comme on avait dit, la croyance des gens de la sunna et de la vérité, hein, c'est que eux, ils finiront par sortir de l'enfer pour aller au paradis éternellement. Ils seront purifiés, nettoyés de cet enfer et ils iront au paradis éternellement. Et cela est prouvé par de beaucoup de hadiths authentiques. Naam. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala montre comment il a fait pour cet homme, comment il a fait pour devenir le plus malheureux. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Alladhi kadhaba wa tawalla » qui dément et tourne le dos. Hein, qui dément avec son cœur. Qui dément tout ce avec quoi est venu les messagers. Il dément les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dément la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, le paradis et l'enfer. Il dément la résurrection. Le Coran, il dit que ce sont seulement des inventions, des mensonges et des contes d'anciens. Non seulement il dément avec le cœur, mais en plus Allah subhanahu wa ta'ala dit « wa tawalla » et tourne le dos avec les actes. Il se détourne de l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, de ce avec quoi est venu les messagers. Il se détourne du bien, de la voie du bien. Donc ce détournement n'est que le produit et l'effet d'avoir démenti avec son cœur. Allah nous en préserve. Allah subhanahu wa ta'ala ensuite, il dit وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجَزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite, alors quand sera écarté le pieux? Alors quand sera écarté, c'est-à-dire il sera écarté du feu, le pieux. Il ne rentrera pas en enfer. Quel est ce pieux, le plus pieux, c'est-à-dire celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala comme il doit être craint? Celui qui a fait les causes en craignant son Seigneur et en œuvrant les bonnes œuvres, en délaissant les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala l'écartera de ce feu qui flambe. Comme il a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans sourate les prophètes, il dit Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est une promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, en seront écartés ceux à qui étaient précédemment promises de belles récompenses de notre part. Ils n'entendront pas son sifflement et jouiront éternellement de ce que leur âme désire. La grande terreur ne les affligera pas et les anges les accueilleront. Voici le jour qui vous a été promis. Qui donne ses biens pour se purifier. Alladhi yu'ti malahu yatazakka. Donc non seulement il craint Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit, et en plus, il donne ses biens pour se purifier. C'est-à-dire que il dépense dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne gaspille pas et n'est pas avare, mais est dans le juste milieu. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans sourate le discernement, verset 67, quand il décrit les serviteurs du tout miséricordieux, quelles sont leurs caractéristiques? Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, qui, lorsqu'ils dépensent, ne sont ni prodigues ni avares, mais se tiennent au juste milieu. Donc il donne ses biens pour se purifier. D'accord? C'est-à-dire que son attention, lorsqu'il donne, lorsqu'il dépense, est de purifier son âme. De purifier son âme des péchés et des défauts. Et tout cela en recherchant la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. En recherchant l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non pas par ostentation. Non pas pour être remercié. Hein, mais il dépense pour purifier son âme. Hein, il ne dépense pas pour gaspiller ou dépenser par fierté et orgueil, ni ne dépense dans les désirs interdits, mais bien au contraire, pour purifier son âme des péchés, des désobéissances, de l'avarisme, etc. etc. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi ensuite, et auprès de qui personne ne profite d'un bienfait intéressé. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il ne dépense pas pour récompenser quelqu'un qui lui aurait donné un bienfait. ou envers quelqu'un qui lui aurait rendu service. C'est-à-dire lorsqu'il dépense, il ne dépense pas pour ces gens. Parce qu'ils lui ont rendu un service ou ils ont été bienveillants envers lui. Ou alors envers les gens qu'il connaît. Mais lui, quand il dépense, il lui donne, il dépense, il donne uniquement pour la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne donne pas cela à titre de récompense pour la personne, parce qu'il lui a rendu service. Comme beaucoup font. Qu'Allah nous en préserve. C'est une chose qu'il faut travailler, c'est la sincérité pour Allah subhanahu wa ta'ala. Une chose que les compagnons ont travaillé toute leur vie. Que dire de nous alors? Comment on doit la travailler? C'est pas une chose qui est simple. La sincérité pour Allah subhanahu wa ta'ala. Chaque œuvre, chaque parole, chaque intention, chaque chose que tu fais, tu dois rechercher uniquement la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois être sincère. Et ça, il faut se le rappeler avant chaque œuvre et chaque parole et chaque intention. Et c'est une chose qui est difficile. Ça demande de combattre son nefs. C'est un effort toute sa vie. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite, « Il labtira awajhi rabbihil a'la » Mais seulement pour la recherche de la face de son Seigneur le Très-Haut. Naam. Il donne uniquement pour la recherche de la face d'Allah. En espérant quoi? En désirant, en espérant la meilleure des récompenses dans l'au-delà. Et c'est quoi? C'est la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur de l'univers. La vision d'Allah subhanahu wa ta'ala, la rencontre de son Seigneur. Le jour du jugement et au paradis, comme on avait cité, la meilleure des récompenses. Encore meilleure que tout ce qui se trouve au paradis. La meilleure des récompenses est la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala, que tu rencontreras ton Seigneur. Que tu le verras comme si tu voyais la lune dans sa pleine lune, claire. Et certes, il sera bientôt satisfait. Wala sawfa yarda, dans le dernier verset. Et certes, il sera bientôt satisfait. Naam. Hein, ce pieux, le pieux qu'on a cité, il sera satisfait de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donnera comme récompense et comme grâce. Et comme on a dit, la meilleure des grâces, la meilleure des récompenses, c'est lorsqu'il rencontrera Allah subhanahu wa ta'ala, il sera satisfait de cette énorme récompense. Et ici, quand Allah subhanahu wa ta'ala il dit « Wala sawfa yarda » Ici, c'est un serment d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme si qu'il jurait, mais on ne le voit pas ici. Il y a un sous-entendu. C'est comme si tu disais « Wallahi la sawfa yarda » Car la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala est la parole la plus véridique. Donc certes, il n'y a pas de doute de cela. La personne sera satisfaite de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donnera comme récompense lorsqu'il va le rencontrer. Cette énorme rétribution que les raisons ne peuvent imaginer et ne peuvent saisir. Qu'Allah fasse qu'on fasse partie des gens pieux et qu'il nous écarte et qu'il nous préserve d'être parmi les gens malheureux. Amin. Ainsi se termine l'explication de cette grande sourate. Celui qui va la lire, alhamdoulilah maintenant, il peut espérer, inshallah, pouvoir méditer et pouvoir comprendre lorsqu'il lit cette sourate et surtout pour pouvoir ensuite pratiquer, hein, mettre en pratique la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala pour que ça soit une preuve pour lui le jour du jugement et non contre lui. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك